Bonsoir et merci de nous avoir choisis et bienvenue à cette dernière édition de ce dimanche, le 17 septembre 2017, dont voici d'abord la charpente. Au sujet des réfugiés burundais tués en République démocratique du Congo, à la fin de cette semaine, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, parle de légitime défense pour ses militaires qui ont tiré sur les réfugiés, car pour lui, ils étaient munis d'armes. Vous allez le suivre en début de ce journal. Quant à Willy Nyamitwe, le conseiller principal en communication à la présidence, demande la lumière de ce qui s'est passé vendredi à Kamanyola. Vous l'entendrez dans ce journal. Des cas d'enlèvement se font au grand jour à mairie de Bujumbura. L'affirmation de Deo Biloli, il est le commissaire sous-régional de la police de sécurité intérieure région ouest, au cours d'une réunion de sécurité. Il a aussi parlé des cas de véhicules volés. Et dans les nouvelles des provinces, le lycée Rutana peine pour pouvoir accueillir les élèves et envoyer à partir du lycée Makamba. Notre correspondant au sud du pays nous en dira pourquoi. Voilà pour le décor. Tout de suite, les détails. La mise en onde est assurée par François Kimana. À la présentation, Evrard Javieriman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, le gouvernement congolais qualifie les Burundais tués de rébellion. Cela est dit par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui a répondu aux questions de nos confrères de la Radio France Internationale et a expliqué que ces Burundais ont été surpris par les militaires en patrouille. Je vous prie de l'écouter, il est Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Il s'agissait de personnes qui ont été surprises par cette patrouille en armes près de Kamanyola. Ils ont échangé des coups de feu avec les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont donc capturé un des assaillants. Ils l'ont ramené dans ce bureau de la mer où il était en train d'être interrogé. Lorsque ce bureau a été attaqué par un groupe d'individus en armes qui ont assassiné un garde de faction devant ce bureau de l'Agence nationale de renseignement, un militaire, qu'ils ont mutilé, et après les tirs de sommation, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, en légitime défense, ont repoussé ce groupe d'assaillants qui ont saccagé le bureau de la mer, et ces affrontements se sont soldés par 4 Congolais tués et une vingtaine d'assaillants également tués. Lambert Mende, il est le porte-parole du gouvernement congolais. Et le gouvernement burundais, de son côté, demande la lumière sur ce qui s'est passé vendredi à Kamanyola. Le conseil principal en communication à la présidence burundaise étant invité à la télévision TV5 Monde ce samedi, Willy Nyamitwe dit que ce qui s'est passé est regrettable. C'est regrettable que des gens continuent à perdre leur vie de la façon aussi atroce que celle-là. Même si c'était une seule personne, ce serait un sujet de préoccupation pour le gouvernement du Burundi. Donc cela est arrivé, le gouvernement exige la lumière sur ce qui s'est passé parce que c'est odieux et inacceptable. Le conseiller principal en communication à la présidence burundaise, Willy Nyamitwe. Un jeune du nom de Mérance Mugisha est porté disparu depuis ce samedi. Sa famille indique qu'elle s'est confiée au chef de zone de Moussaga à mairie de Bujumbura et l'air a informé que ce jeune serait détenu dans les bureaux de services de renseignement. Mais quand sa mère s'y est rendue, on lui a dit que ce garçon n'est pas dans leur locaux. Suivez la mère de Mérance Mugisha. Mon enfant a été arrêté entre la 2e et 3e avenue à Moussaga. Avant qu'on l'amène, ils ont d'abord fait une description des habits qu'il portait. Quand ils sont tombés d'accord qu'il avait une chemise à motif, c'est là qu'ils l'ont appréhendé et ils l'ont donné à un responsable policier de Moussaga. Il l'a amené à la commune. J'ai été contacté à ce moment. Arrivé à la commune, ce policier a dit à une personne qui se trouvait sur les lieux qu'il venait de charger mon enfant. On a demandé où ils avaient amené mon fils. Ils nous ont indiqué qu'il était à la documentation. Nous avons même parlé avec le chef de zone. Il m'a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il se trouve dans les locaux des services de renseignement. Mais nous sommes allés là-bas et nous ont dit qu'il n'était pas dedans. Je m'inquiète pour mon enfant car je pense qu'il se trouve dans une mauvaise situation. La mère d'Omelan Semogisha, traduit en français par Alida Ndaikez. Des camps d'enlèvement se font au grand jour à mairie de Bujumbura. L'affirmation du commissaire sous-régional de la police de sécurité intérieure région ouest, le commissaire Deo Wiloli, appelle toute personne qui voit une personne enlevée d'alerter la police. Au cours d'une réunion de sécurité, ce commissaire s'est également exprimé sur les cas de véhicules volés. Suivez-les, il est traduit en français par Médard Niyonkuru. Ça fait des jours qu'ici à mairie de Bujumbura, des cas de vol de véhicules se font signaler. Des vols dans des lieux publics. Ces véhicules passent et sont garés dans des endroits différents. Est-ce que personne ne peut dénoncer cela? Heureusement, certains sont retrouvés. Je le dis pour que nous sachions que la sécurité incombe à tous. Il faut que le chef des 10 maisons ait une mainmise sur ces sujets. On ne passerait pas sous silence des cas d'enlèvement. Ça se fait au vu de tout le monde. Par exemple, cette nuit, une personne a été enlevée à Kigobe. On l'a retrouvée vivante. Pour toutes ces bavures, nous demandons la contribution de chacun. Il ne faut pas attendre que ce soit un policier qui le fasse. Il faut alerter la police pour le cas de ces personnes enlevées. Ainsi, personne ne pourra échapper. De son côté, le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, réaffirme ses camps d'enlèvement. Il revient également sur le cas de l'attaque du bureau du Haut Commissariat pour les droits de l'homme au Burundi. Suivez-le. C'est un nouveau fait qui s'est présenté ces derniers temps où on a enlevé un certain Léopold. Il y a également une jeune personne qu'on a enlevée hier. Heureusement, on l'a retrouvée dans une maison abandonnée Saint-Sauf à Kigobe. Et ils ont aussi cambriolé la maison où travaillait le commissariat des droits de l'homme. Alors si nous analysons profondément, nous trouvons que c'est un phénomène nouveau qui peut être lié par rapport à la réunion de Genève sur les droits de l'homme. Sur le Burundi, c'est pour montrer que rien ne va au Burundi. Ça doit être l'ennemi qui est en train de faire ses coups. Mais nous espérons que ça va s'arrêter, surtout que nous avons pris des mesures coercitives pour pouvoir juguler ce phénomène d'enlèvement. Quelles sont ces mesures, si ce n'est pas un secret? Bon, d'abord, il faut que la population elle-même s'imprègne à leur sécurité. Il faut qu'il y ait une communication permanente entre les comités mixtes de sécurité et la population. Il faut aussi qu'il y ait des patrouilles de nuit pour qu'on puisse au moins pouvoir attraper ces malfaiteurs. Freddy Mbonima, le maire de la ville de Bujumbura, répondait aux questions de mon confrère Joseph Nsabiamandi. On va marquer une courte pause et nous parlons les nouvelles des provinces. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Une amende de 50 000 francs et les sanctions infligées aux commerçants des produits Braloudi qui ont rehaussé les prix. C'était ce samedi sur la colline Kagwema de la commune Gihanga dans la province de Wubanza. Au moment où le commerçant dit qu'il s'approvisionnait difficilement, les autorités administratives leur recommandent de laisser ce commerce s'ils ne respectent pas les prix fixés par la Braloudi. Space Caritas Kawanyan. Une bouteille de Primus qui ne devrait pas dépasser 1 500 francs s'achetait à 1 800 francs ou 1 900 francs sur la colline Kagwema de la commune Gihanga. Une bouteille d'Amoussel, 2 500 francs au moment où elle devrait coûter 1 800 francs seulement. Les consommateurs n'ont pas supporté cette hausse de prix et se sont plaints auprès des administratifs. Et après concertation entre l'administration provinciale, l'administration communale et l'administration locale à Kagwema, une rafle a été organisée ce samedi. Tous les biscuits où les prix avaient grimpé ont été fermés à double cadenas par l'administration locale. Un commerçant qui a accepté de ramener les prix à la normale telle que fixée par la Braloudi a réouvert son bistrot après avoir payé une amende de 50 000 francs burundais, selon les témoins sur place à Kagwema. Quentin Marc Ngendakumana, chef de colline Kagwema, indique que tout commerçant qui donnera une bouteille de Primus à plus de 1 500 francs ou de la Moselle à plus de 1 800 francs se sera exposé à de telles sanctions. Ailleurs, dans différentes localités de cette province, les prix ont également grimpé. Les commerçants expliquent qu'ils s'approvisionnent très difficilement dans d'autres communes ou dans d'autres provinces et les vendeurs sur les mini-dépôts exigent quelques sous pour donner tant de casiers de Primus ou d'Amoussel ou tout simplement ils exigent qu'on achète aussi des Fanta qui sont en grande quantité et sans preneur. Les autorités administratives, quant à elles, appellent ces commerçants à l'ordre et à respecter les prix fixés par la Blaroudi au lieu de s'exposer aux sanctions. Merci Kavanyana. Autre province, autre nouvelle. Le lycée Rutana peine pour pouvoir accueillir les élèves envoyés à partir du lycée de Makamba. Des salles de classe, des lits, des matelas, des bancs pupitres, des tables et casseroles de réfectoire manquent cruellement. Le directeur provincial de l'enseignement à Rutana trouve que le peu à l'air à la disposition peut servir en attendant une audition du ministère de Titel et de Rutana. Nous appelons notre correspondant Jean-Pierre Missago. Des besoins urgents exprimés par la direction du lycée Rutana font état des manques de 3 salles de classe, 150 bancs pupitres, 150 lits, 200 matelas, 50 soupières et 22 tables pour pouvoir accueillir les nouveaux élèves internes, parmi lesquels 418 transférés du lycée Makamba au lycée Rutana. Ceci a eu des retombées négatives sur l'organisation des enseignements, du moins en cette première semaine de la rentrée, sauf dans les premières années communes du poste fondamental, ces ex-élèves du lycée Makamba continuent à arriver après être informés qu'ils ont été transférés à Rutana ou à Rutovu selon les sections 6 jours avant le début de l'année scolaire en cours. Ngenze Woro Simeon, directeur provincial de l'enseignement à Rutana, informe que tous ces besoins ont été déjà exprimés au ministère de tutelle. En attendant la réponse à cette demande, cela n'empêcherait pas que des cours soient dispensés en utilisant les maigres moyens disponibles selon le directeur provincial de l'enseignement à Rutana. Tous les élèves du lycée Makamba ont été transférés ailleurs pour réserver l'établissement à la seule école d'excellence. André Ninina Hazoué, directeur du lycée Makamba, avait conseillé aux élèves proches du lycée Rumonge de s'y faire inscrire du moins si les sections qu'ils fréquentaient s'y trouvent, qu'ils y seraient reçus sans problème. Jean-Pierre Missago, depuis Rutana, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Au sud du pays, nous nous rendons au centre du pays. Le marché de Nyarusangue de la commune Guiheta en province de Gitega a pris feu dans la soirée de ce samedi. L'administrateur de cette commune indique que ce feu a été provoqué par un bougie. Alexis Manilakiza précise que c'est seulement une partie de ce marché qui a été pris en fumée et demande à un autre commerçant d'adhérer aux sociétés d'assurance afin que ces dernières les indemnisent en cas de besoin. Suivez-les, il est traduit en français par Charlie Makoto. Hier, vers 19h45, il y a eu un incendie au marché de Nyarusange, au chef-lieu de la commune Guiheta. Une partie de ce marché est partie en fumée. Il y a eu un commerçant qui tient une boutique qui a laissé une bougie allumée et est parti. De son retour, sa boutique était déjà consumée. Et ainsi, le feu s'est répandu dans toutes les boutiques. C'est la partie dans laquelle se vendent les vivres qui a été touchée. Pour le moment, nous sommes au niveau d'enquête. On ne sait pas encore le bilan. Nous ne pouvons pas donner un chiffre car on n'a pas encore fait l'inventaire. Nous demandons aux commerçants d'être prudents avec le feu. Autre chose, il faut qu'ils fassent assurer leurs marchandises. Dernier élément de ce journal, une semaine après le début de l'année scolaire 2017-2018, la province scolaire de Mwaro manque 16 nouveaux enseignants au niveau du primaire. Ces besoins en personnel se remarquent dans les écoles qui ont ouvert les portes cette année, alors que certains enseignants de cette province viennent d'être redéployés vers d'autres provinces. Le DPI Mwaro dit que cette opération s'est basée sur le rapport de l'année scolaire écoulée. Le reportage est signé Laurent Dikouli. Avec le début de l'année scolaire 2017-2018, de nouvelles écoles au niveau du primaire sont nées en province scolaire de Mwaro. Ces dernières sont l'école fondamentale de Buburu en commune Gitozi, avec 3 salles de classe, Les écoles fondamentales de Kiwenga, Murehe et Nyamugari en commune Kayokwe, 7 salles de classe ont été ouvertes. En commune Rusaka, l'école fondamentale de Kiga et Marguerite Rusana ont ouvert chacune 2 salles de classe selon les données tirées de la direction provinciale de l'enseignement à Moaro. Toutes ces nouvelles écoles ainsi que les classes montantes ont besoin de nouveaux enseignants. Le directeur provincial de l'enseignement à Moaro, Omer Barandaguié, dit qu'au total, cette province a besoin de 16 nouveaux enseignants répartis comme suit, 2 pour Vissoro, 3 pour Gisozi, 2 pour Kayokwe. La commune Ndava a besoin de 2 nouveaux enseignants au niveau du primaire, celle de Rusaka a besoin de 4 nouveaux enseignants et 3 pour celle de Nyabihanga. Au moment, certains enseignants du primaire de cette province ont été redéployés vers d'autres provinces, en l'occurrence Kayanza et Bujumbura rural. Ils disent qu'il fallait d'abord occuper ces places vides avant d'être envoyés vers d'autres provinces où certains disent qu'il ne leur sera même pas facile d'avoir un logement. À ce sujet, le directeur provincial de l'enseignement à Moaro dit que l'opération de redéploiement des enseignants du primaire est basée sur le rapport de l'année scolaire écoulée. Il précise qu'il va donner un rapport à ce sujet aux autorités hiérarchiques pour que ces nouvelles écoles et classes montantes puissent avoir des enseignants. De Moaro, Laurent Dikuriyo, Radio Isanganiro. C'est sur votre reportage, Laurent, que nous bouclons la boucle de ce journal. Mais avant de nous séparer, un petit rappel des titres. Les réfugiés burundais tués en République démocratique du Congo à la fin de cette semaine. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, parle de légitime défense pour ses militaires qui ont tiré sur les réfugiés car, pour lui, ils étaient munis d'armes. Des camps d'enlèvement se font au grand jour à mairie de Bujumbura. L'affirmation est de Deo Biloli. Il est le commissaire sous-régional de la police de sécurité intérieure région ouest au cours d'une réunion de sécurité. Il a aussi parlé des cas de véhicules volés. Ainsi se referme ce journal. Merci. Merci de votre fidélité. Merci aussi à François Akimana pour sa parfaite collaboration technique. Au micro, c'était Evrari Havdalimana. Excellente soirée à tous à l'écoute des autres émissions de la radio Isanganiro.